quand je me réveille. En toi, mon Dieu, je me confie. Pour tout ce que je fais toute la journée. En toi, mon Dieu, je me confie. Oh oui, Seigneur. Tu guides mes pas, toi, mon appui, mon cher. Avec assurance. Tu guides mes pas, toi, mon secours, mon berger. Alors chaque fois quand je m'ennuie, mon Dieu. En toi, par les soucis. En toi, mon Dieu, oh oui, Seigneur. Tu guides mes pas, toi, mon appui, mon cher. Quelle sécurité. Tu guides mes pas, toi, mon secours, mon berger. Pour ma maison, ma famille et mes amis. En toi, mon Dieu, je me confie. Pour mon travail et mon avenir. En toi, mon Dieu, je me confie. Oh, oh, oh. Tu guides mes pas. Je connais le plan. Toi, que tu as préparé pour moi. Un plan de bonheur. Tu